إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون صم بقم عمي فهم لا يرجعون. في القرآن ذكريا versets 17 et 18. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, yani le munafiq, l'hypocrite, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. مثلهم يعني وصفهم الله جل وعلا حالهم كمثل الذي استوقد نارا. Ici Allah عز وجل a comparé, a donné leurs circonstances. Il a expliqué, il a donné leurs circonstances dans le verset. كمثل الذي استوقد نارا. Ils sont comme quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre d'allumer la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont fi dhulumat, ils sont dans le noir. Falamma adaa'at ma hawlahu. Wa lam tadhhab ba'idan li dha'fiha. Donc, ils ne peuvent pas avancer loin étant donné qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils ne peuvent pas avancer loin à cause de la faiblesse de cette lumière. Thumma qala Allahu jalla wa ala: ذهب الله بنورهم. Et ici Allah Azza wa Jal leur enlève cette lumière. ذهب الله بنورهم. Ici Allah Azza wa Jal leur enlève la lumière. طيب. Il y a une chose à remarquer ici dans l'ayah. Allah Azza wa Jal قال الذي استوقد نارا. الذي, ils sont semblables à celui, يعني المنافق, il est semblable à celui. Ici, on parle au singulier. On parle au singulier. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à la suite du verset, il parle bil jam'u. يعني ماذا قال؟ استوقد نارا ثم قال مفرد ثم قال ما حوله مفرد ثم الجمع بنورهم وتراكهم ولا يبصرون. Ici Allah Jalla wa A'la, lorsqu'il commence le verset, il parle au singulier. Il parle du munafiq au singulier. قال كمثل الذي استوقد نارا. Il est comme celui qui demande, il demande qu'on lui allume la lumière. Ensuite, il dit فلما أضاءت ما حوله. Il n'a pas dit ما حولهم. ما حوله. Afin qu'il y ait une petite lumière autour de lui. Et juste après Allah جل وعلا, pour les mêmes personnes, pour la même personne, cette fois-ci l'emploi, al-jam'u. Dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumat la yubsirun. ثم قال لا يرجعون. هذا هو الجمع. Là, cette fois-ci, c'est le pluriel qui est utilisé. طيب. Ce qui a été voulu dire ici, selon certains mufassirin, c'est que مثلهم كمثل الله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله هو رأس المنافقين. هو رأس المنافقين. Quand il y a le mufrad, il s'agit de la tête des hypocrites. Il y a autour de lui ses adeptes al-munafiqun, qui sont hypocrites comme lui. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala, juste ensuite, quand il dit ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم قال ولا يرجعون يعني الجماعة الذين حوله حول رأسهم. Le premier dont on parle ici, c'est la tête des hypocrites, celui à qui on demande d'allumer la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Puis Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il mentionne juste après, et Allah Azza wa Jalla a éteint leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres, et ils ne sont plus ils n'ont plus d'éclaircissement, et ils ne reviendront plus. Là, il s'agit de tous ceux qui sont avec lui. Yani al-jam'u al-jama'a. Donc, c'est l'une des explications qu'ont trouvé al-mufassirun. Ra's al-munafiqin ma'a atba'ihim. Hein, donc, c'est les têtes des hypocrites avec la tête des hypocrites avec tous ceux qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce que celui qui commande les hypocrites est celui qui allume cette petite lumière, mais cette lumière ne leur est pas assez profitable pour pouvoir avancer. Alors Allah Azza wa Jalla wa tarakahum jami'an fi dhulumat la yusirun. Alors Allah Azza wa Jalla les abandonne tous dans les ténèbres et il les laisse comme cela. وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ. الظُّلُمَاتِ, ici, c'est le jam'u. Ils sont dans les ténèbres. Donc ça prouve bien qu'il y a plusieurs ténèbres. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. والنور مفرد والظلمات جمع. Si on remarque bien, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il mentionne al-dhulumat, les ténèbres, c'est un pluriel. Il an-nur, vers des ténèbres, vers la lumière. Et la lumière, elle est toujours mentionnée comme étant une seule. Ça, c'est la preuve que les chemins qui mènent à l'égarement sont nombreux, mais que le chemin qui mène à la vérité, il n'y en a qu'un. من الظلمات من ظلمة الشرك من ظلمات البدع من ظلمات المعاصي إلى نور التوحيد إلى نور السنة إلى نور الطاعة. Donc ça prouve bien qu'il y a une seule guidée, mais qu'il y a plusieurs égarements. Ici, Allah Azza wa Jalla l'a mentionné comme quand ils étaient dans Fi Dhulumat. Dans quelles circonstances se trouvent les hypocrites ici? Ils sont dans les ténèbres, Dhulumat al-Layl, les ténèbres de la nuit. Pourquoi? Parce qu'on demande d'allumer un feu, donc c'est bien la preuve qu'ils sont dans, comme s'ils étaient en pleine nuit, ils ne voyaient rien du tout. Ici, bien sûr, c'est une image qu'Allah Azza wa Jalla donne par rapport aux hypocrites. Hein? Ils demandent qu'on leur allume un feu. Donc, premièrement, ils sont dans les ténèbres de la nuit. Parce que le fait de demander d'allumer un feu, cela prouve que c'est pas la journée qu'on demande d'allumer un feu. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'allumer un feu pour éclairer la journée. Lorsqu'on demande d'allumer un feu pour éclairer, c'est qu'il fait nuit. Donc, forcément, ils sont dans في الظلمة الليل, ils sont dans les ténèbres de la nuit. طيب, deuxièmement, ils sont dans les ténèbres dans le sens où ils ne voient rien. Ils ne voient qu'à peine autour d'eux, sans plus. Ils ne peuvent pas voir l'ilba'id. Ils ne peuvent pas voir loin. Ils ne voient que ce qu'il y a autour. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ مَا حَوْلَهُ, ce qu'il y a autour de lui. Pas loin, ce qu'il y a autour de lui. Troisièmement, et celle-là c'est la plus forte ténèbre, la ténèbre la plus, c'est les ténèbres les plus, yani les plus intenses, c'est lorsqu'on t'allume une lumière et on te l'éteint. Tu vois encore moins que si on n'avait pas allumé de feu du tout. Quand il fait sombre, tu vois un tout petit peu. Tu allumes la lumière, tu vois. Si on t'éteint immédiatement, tu vois encore, tu vois rien du tout, mais encore pire que si on n'avait pas allumé. Donc ils sont dans cette troisième ténèbre. Celle-là, c'est l'enfoncement total, puisque celle-là, c'est la pire. Donc, fi dhulumat, cela prouve qu'ils sont vraiment al-munafiqoun, dans des ténèbres bien profondes. Taïb. Thumma qala Allahu jalla wa ala. ووصفهم بسمو سمو الله عز وجل mentionné ici qu'ils n'entendent pas. Est-ce qu'ils n'entendent pas dans le sens où ils n'entendent absolument rien? Non, ils n'entendent pas. لا يسمعون الحق, ils n'entendent pas la vérité. Allah عز وجل les a rendus sourds à la vérité. C'est le haqq qu'ils n'entendent pas. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعْلَا وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. C'est pour ça qu'Allah جَلَّ وَعْلَا في سورة الأنفال a mentionné ne sois pas comme ceux qui ont dit nous avons entendu, qui disent « Nous avons entendu »« قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ » mais qui n'entendent pas. « ثُمَّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بُكْمُونَ » Ils sont muets. C'est-à-dire que Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils sont muets. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Non seulement ils ne peuvent pas entendre la vérité, mais ils ne peuvent pas dire la vérité. وَإِنَّمَا يُنْتِقُونَ بِالْبَاطِلِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يُنْتِقُونَ بِالْحَقِّ. Ils ne peuvent pas dire la vérité. La vérité ne sort pas de leur bouche, mais ce qui sort de leur bouche, c'est le faux. Donc, quand on dit qu'ils sont ici muets, c'est dans le même sens que ils sont sourds. Ils peuvent parler, mais lorsqu'ils parlent, ils parlent bil batil wa la bil haqq. Hada min sifat al munafiqin. Ça c'est de grands signes des hypocrites. Umyun. Ensuite ils sont aveugles dans le sens où la vérité ne peuvent pas voir la vérité. Même si elle est présente devant eux, ils ne la verront pas. Parce qu'Allah Jalla wa'ala les a rendus sourds, muets et aveugles. وَهَذَا عَذَاب فِي هَذِي الدُّنْيَا مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ. Et c'est donc là un châtiment, un grand châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Et notamment sur les hypocrites. Pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa'ala a mentionné ces trois choses-là, ces trois sifats qui touchent l'ouïe, la vue et la bouche? Parce que la vérité, ou bien on l'entend, ou bien on la voit, ou bien on y réfléchit, on raisonne. لأن الحق إما مسموع وإما مشهود وإما مقول فهم لا يسمعون ولا يشهدون ولا ينتفعون بالحق من غيرهم. Donc ici la vérité ne leur est pas profitable à ces gens-là. Le fait qu'ils voient, le fait qu'ils entendent ou le fait qu'ils parlent, Allah Jalla wa Ala a fait en sorte qu'ils peuvent parler, ils peuvent entendre, ils peuvent voir, mais tout ce qui concerne l'haq, ils ne le verront pas, ni ne l'entendront, ni ils ne parleront par la vérité. Fahum la yarji'un. Walfa hadi atifa. Ici c'est le fa fahum. Ma qala hum la yarji'un fa qala fahum la yarji'un. Il est attaché à tout ce qu'il y a avant. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils sont muets. Et bien tout ça c'est lié avec la suite. Fahum la yarji'un. Alors ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas à quoi ? À la vérité. Taïb. Al-fawa'id. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces versets ? Balaghatul Qur'an. Premièrement, l'éloquence du Coran, du livre d'Allah ou Jalla wa Ala. Du Coran. Pourquoi ? Parce qu'Allah Jalla wa Ala permet à son serviteur de comprendre le Coran et il lui donne des exemples. Il leur donne des paraboles. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ » Voici des exemples. نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Hein? Voici des exemples par lesquels on exhorte les gens. وَمَا يَقِيلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Mais ne raisonne sur ces exemples. إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ceux qui sont savants, ceux qui savent. Ne raisonne sur ces exemples que ceux qui savent. Donc ici on a l'éloquence du Coran. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى a permis à sa création et à ses créatures de comprendre le Coran en donnant des exemples. Taïb. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّهَا هُلَهِيَ الْمُنَافِقِينَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ نُورٌ. Dans le cœur des hypocrites, il n'y a pas de lumière. وَلِهَذَا قَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. Il est semblable à celui qui demande à ce qu'on allume une lumière. Pourquoi ? Parce qu'il est fils de l'Oumat. Il n'a pas de lumière dans son cœur. Pourquoi ? Donc, parce que les hypocrites sont coupés de la guidée, coupés de la science, coupés de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien dans leur cœur. Leurs cœurs sont morts. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْإِيمَانَ نُورٌ لَهُ تَأْثِيرُ حَتَّى فِي قَلْبِ الْمُنَافِقِ. La foi, elle est une lumière qui laisse des traces dans le cœur, même si c'est le cœur de l'hypocrite. Elle peut atteindre yani ce cœur. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. Il y a une petite lumière qui éclaire autour de lui, juste autour de lui. مَا حَوْلَهُ. Donc ça prouve bien. C'est quoi ici le Nour ? Quand ils sont dans le Dhulumat, on a vu c'est quoi le Dhulumat, dans quelle ténèbre ils sont. Bien ici, Allah Jalla wa Ala a mentionné qu'il y a eu quand même une petite lumière qui s'est allumée. Nourul Iman. C'est-à-dire que cette fois-là, elle a effleuré leur cœur. Et ça a donné une petite lumière autour d'eux. Mais cette lumière, Allah Jalla wa Ala va leur enlever. Voilà pourquoi ils vont devenir aveugles, sourds et muets. Hein, sourds, muets et aveugles. Donc c'est bien la preuve que la foi, quand elle touche un cœur, elle rapporte une lumière dans le cœur. Puisque même le cœur de l'hypocrite, cette fois-là, va frôler son cœur, il va y avoir une petite lumière. Mais de quoi éclairer quoi ? Juste éclairer ce qu'il y a autour. Mais ça s'éteindra. Et c'est là qu'il se retrouvera dans une des ténèbres encore plus fortes que ce qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal قال على المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم قلوبهم فهم إلى آخره. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. Ils ont cru puis ils ont mécru. Ben ceux ils ont cru, c'est cette foi-là qui a frôlé, cette lumière qui a frôlé leur cœur et qui est repartie. Qu'Allah Jalla wa Ala il aura enlevé. طيب من الفوائد il y a la preuve que quand cette lumière elle atteint le cœur et elle repart, elle atteint un cœur mais elle repart, ça veut dire que la personne n'accepte pas la vérité et se retrouve dans des ténèbres encore pires que ce qu'il était avant. ولهذا نقول المرتد أشد من الكافر. المرتد أشد من الكافر الذي دخل في الإسلام ثم خرج من الإسلام هو أشد ممن دخل في الإسلام ما دخل في الإسلام كالكافر مثلا. Quand la foi elle rentre dans un cœur et elle repart de ce cœur-là, la personne elle est dans des ténèbres encore pire que ce qu'elle était avant que la foi elle rentre dans son cœur. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est rentré dans l'islam, qui est ressorti de l'islam, il est pire que celui qui n'est jamais rentré dans l'islam. Parce que lui, il a goûté l'Iman. Et après, il l'a rejeté. Lui, il a eu Nour fil qalb, puis il s'est retrouvé fil dhulumat. Mais il s'est retrouvé dans des ténèbres encore pires que ce qu'il était avant. La preuve, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans les versets qu'on a expliqués ici. Il y a eu cette petite lumière. Dhahaba Allahu bi nurihim. Allah Azza wa Jalla a enlevé cette lumière. Il se retrouvait dans des ténèbres encore pires. Ça, c'est un exemple qu'Allah Jalla wa Ala a donné, que même nous, dans notre vie, on peut voir si tu allumes la lumière et tu l'éteins immédiatement en pleine nuit, tu verras que tu verras encore moins que si tu n'avais pas allumé la lumière. Tayyib. ذهب الله من نورهم. Ici, on voit qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui éteint leur lumière. Certains ils vont dire وإذا قال قائل أليس في هذا الدليل على مذهب الجبرية. Ici, est-ce que Ahlul Bidah, l'un des groupes de Ahlul Bidah, ils disent qu'on subit le destin, qu'on n'a pas le choix. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Tu commets le péché, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. C'est pour ça que quand ils commettent un péché, ils disent Qadar Allah ou Masha'a fa'al. Allah, il avait décrété ça. Je ne pouvais rien, moi. Le destin, on le subit. Hum yaquluna hada. Ahlul Bidah. Et comme verset qu'il ramène pour prouver ça, il ramène par exemple ce verset. Dhahab Allahu bi nurihim. C'est Allah qui leur a enlevé la lumière. Donc là, tu vois bien qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est Allah Azza wa Jal qui leur a enlevé. Eux, ils ont demandé une petite lumière. Allah Azza wa Jal l'a pas voulu. Il leur a enlevé cette lumière. Dhahab Allahu bi nurihim. Hada daliluhum. Ça, c'est leur preuve. Tayyib. Comme on a déjà expliqué. يقول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Allah عز وجل leur a enlevé cette lumière parce qu'ils n'ont pas voulu de cette lumière. الله تبارك وتعالى بالسبب لكن السبب من العبد ولا من الله جل وعلا. Certes c'est Allah عز وجل qui a fait et qui leur a enlevé. Mais la cause, elle ne vient pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. La cause, c'est l'être humain qui l'a fait. Parce qu'ils n'ont pas voulu cette lumière, alors Allah Azza wa Jal l'aura enlevée. Tayyib. Thumma qal tarakahum. Allah Azza wa Jal les a abandonnés. ترك وتركهم في الظلمات لا يبصرون. Ça c'est la preuve que celui qui ne veut pas de cette guidée, qui ne veut pas de cette lumière, qui ne veut pas le bien, Allah Jalla wa Ala تركه. ما قال في الحديث القدسي taraktuhu wa shirkahu. Je l'abandonne lui et son shirk. Hein, comme il a dit Allah Azza wa Jal fait le hadith al-Qudusi, je l'abandonne lui et son shirk, ce avec quoi il m'a associé. Celui qui ne veut pas la vérité, Allah Azza wa Jal l'abandonne. Ce qui signifie qu'il est perdu. Donc ici, Allah Jalla wa'ala les a rendus sourds. Ils n'entendent pas la vérité. Et même s'ils entendaient la vérité, ils ne l'apprendraient pas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal leur a attribué fi surat al-Anfal « وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ » قَالُوا سَمِعْنَا. Ils disent « Nous avons entendu ». Donc ça prouve bien que la vérité leur est parvenue. سَمِعْنَا. Nous avons entendu. سَمِعْنَا الْحَقْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Mais Allah Azza wa Jal, il témoigne lui-même qu'ils n'ont pas écouté cette vérité. Qu'ils n'ont pas écouté cette vérité. Donc c'est bien la preuve qu'ici, Allah Jalla wa'ala ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِالسَّبَبْ. Ma huwa as-sabab? La yasma'un. La yasma'un al-haq. Donc on voit bien qu'il y a eu une cause en vérité. Et que le dalil qu'ils ont ramené à Ahlul Bida' ne tient pas. Hein? C'est quoi la preuve? C'est qu'ici Allah Azza wa Jalla a dit la vérité, ils l'ont entendu, ils disent nous avons entendu. Wahum la yasma'un. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté cette vérité. Donc il y a bien eu une cause. Et c'est cette cause-là qui va faire qu'Allah Jalla wa'ala va enlever la lumière de leur cœur et il va les mettre, les abandonner dans les ténèbres. Taïb. قال الله جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Coran. Verset 19 et le verset 20. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui et la vue. Car Allah a pouvoir sur toute chose. Oh, Akhlas. Le 19, j'oublie le 19. On peut encore les comparer à des gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ici, Allah Jalla wa'ala a encore montré une parabole. Une forte pluie qui tombe. Ici, Allah Jalla wa'ala, quand il a dit minas-sama, il s'agit du. Pas du premier ciel, mais le sama, le ciel de la dunya, c'est-à-dire le ciel élevé, hein, celui qui est juste au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est formée par quoi? Elle est formée par les nuages. L'eau, elle est formée par les nuages. Celui qui remarque bien la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui médite sur la création d'Allah, jalla wa ala, il verra que, avant qu'il pleuve, les nuages se réunissent à un endroit bien précis, puis c'est là que l'eau tombe. Il ne pleut pas lorsqu'il n'y a pas de nuages. Il ne pleut pas lorsqu'il n'y a pas de nuages. Allah Jalla wa'ala ordonne que les nuages soient réunis à tel endroit, puis la pluie tombe. Donc cette pluie venant des nuages, ici, as-sama ne peut être que sama ad-dunya. ورسم الأول. Donc ça ne peut être que le ciel de la dunya, celui qui est juste au-dessus de nous, et non pas le premier ciel. طيب. فيه ظلمات. Il y a dans cette forte pluie les ténèbres. Avec la pluie, il y a les ténèbres. Donc c'est quoi ces ténèbres? Il y a les ténèbres. ظلمات الليل. الليل, les ténèbres de la nuit. Puisqu'il fait nuit, puisqu'on a parlé d'un feu, et on a dit qu'un feu, on ne l'allume que la nuit et pas la journée, pour éclairer, dans le but d'éclairer. Les ténèbres des nuages et les ténèbres de la pluie. Hein, quand il pleut très très fortement, on ne voit pas loin. Hein, quand tu es en voiture, tu conduis, il pleut tout d'un coup, d'une très forte pluie, tu vois bien que tu ne peux pas avancer, tu ne peux plus avancer correctement. Donc ta vue est extrêmement réduite. Fihi dhulumat, donc Allah Azza wa Jalla a mentionné cette forte pluie qui tombe du ciel, il y a des ténèbres dedans. Quelles ténèbres ici dans cette circonstance? Les ténèbres de la pluie, les ténèbres des nuages et les ténèbres de la nuit. Tayyib. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum wa qawluhu ta'ala kullama adaa lahum ma sha'u fihi. Et donc ils marchent, quand ils voient un petit peu de lumière, un éclair, ils avancent un petit peu. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils sont dans le noir complet, dès qu'il y a un éclair, et on voit bien que quand il y a un éclair, tout s'éclaire autour de nous. Mais, ça dure quoi? Une seconde, voire moins. Donc dès qu'ils voient un petit peu, hop, ils avancent un petit peu. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَهُ فِي. Hop, ils marchent, مَشَهُ فِي. Il marche un petit peu. Tayyib. وهذا لا يكون إلا في الليل. Donc cela ne se trouve que la nuit. Donc ils sont dans des ténèbres, ténèbres sur ténèbres. Hein. Ténèbres sur ténèbres, étant donné que les nuages vont les uns sur les autres. وَرَعْدٌ وبرق والرعد هو الصوت والبرق فهو النور. الرعد c'est le bruit qu'on entend du tonnerre. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, où Allah عز وجل a mentionné que الرعد c'est le nom de l'ange qui reçoit l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de guider les nuages vers tel endroit ou tel endroit, afin que la pluie tombe à tel endroit ou à tel endroit. Et on dit que le bruit que l'on entend, c'est le frottement des nuages des uns contre les autres. C'est le frottement des nuages des uns contre les autres. Et non pas comme ils disent les chiites, Saout Ali ibn Abi Talib. Les chiites, ils disent que le tonnerre, c'est la voix de Ali ibn Abi Talib. Hada batil. Qawlun batil. Ça, c'est totalement faux. Donc ici, wara'du wa barq. Wara'd, c'est le bruit. Wa barq, c'est an-nour. C'est la lumière. Tayyib. Fahaulahi indahum dhulumat fi qulubihim. Donc, maintenant, en expliquant cette métaphore, on a dit que ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, sous une forte pluie, en pleine nuit, couverts par des nuages, et qu'il y a un éclair à chaque fois qui les éclaire un tout petit peu, de quoi avancer un tout petit peu, et avec un bruit très fort, le bruit du tonnerre. Tayyib. Donc ces gens-là, al-munafiqun, ils ont les ténèbres dans le cœur. Et ce bruit qu'ils entendent, هي في الحقيقة الموعظة موعظة القرآن كلام الله جل وعلا. Ce bruit qu'ils entendent en vérité, c'est quoi? Attention, il ne s'agit pas de comparer le Coran avec le tonnerre. Comme on a dit ici, Allah Azza wa Jal leur a donné une parabole afin qu'ils réfléchissent. Donc, leur cœur, il y a les ténèbres de l'hypocrisie et du kufr, de la mécréance dans leur cœur. Et ce bruit qu'ils entendent, c'est Al-Maw'idha, Maw'idha tout le Coran. Al-Maw'idha, c'est Maw'idha, l'exhortation. L'exhortation du Coran. Hein? Puis vient à eux l'exhortation du Coran, du livre d'Allah, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'exhortation du Coran. طيب. ثم قال عليهم يجعلون أصابعهم في أذانهم. Puis ils mettent quoi? Lorsqu'ils entendent ce bruit du tonnerre qui leur fait peur, ils mettent leurs doigts dans les oreilles. Donc quand ils entendent le Coran, hein, ils mettent leurs doigts dans les oreilles dans le sens où ils ne veulent plus, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nasallahu alayhi wa sallam. Yaj'aluna. Donc ils mettent, yaj'aluna, ils mettent leurs doigts dans les oreilles. Tayyib. Asabi'ahum. Ils mettent leurs doigts dans les oreilles. Ici, le mot doigt, il est au pluriel. Asabi'ahum. Jem'u. Tayyib. Ici, ils ont dit premièrement, ce ne sont pas tous les doigts qui sont mis dans les oreilles. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un jam'u, c'est un pluriel qui est utilisé. Et deuxièmement, ce n'est pas tout doigt qui rentre dans l'oreille. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque hypocrite a mis ses doigts dans les oreilles, dans le sens où il a pris ses deux doigts et les a mis dans ses propres oreilles, afin de ne pas entendre al-maw'idha, afin de ne pas entendre cette maw'idha, maw'idha tout le Qur'an. Tayyib. Min al-sawa'iqa. Ça c'est le feu qui a été causé par l'éclair. Et c'est pour ça qu'ils sont terrorisés lorsqu'ils voient et ils entendent tout cela. Donc là, dès qu'ils voient un petit éclaircissement, ils avancent. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Puis, lorsque les ténèbres reviennent immédiatement, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils n'avancent plus. Et ils restent debout. طيب. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Et si Allah Azza wa Jalla l'aurait voulu, il aurait enlevé l'ouïe et la vue. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Car Allah Jalla wa'ala est capable de tout. Donc si Allah Azza wa Jalla l'aurait voulu, il n'aurait pas reçu cette exhortation du Coran. Il n'aurait même pas reçu al-hidayah, c'est-à-dire cette guidée. Allah Jalla wa'ala aurait pu, en un seul coup, subhanahu wa ta'ala, ne pas faire parvenir à leur oui ou à leur vue ou à leur cœur cette vérité. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Car Allah Jalla wa ala est capable de toute chose. Donc cet exemple, il montre quoi? Ala al-munafiqin lam yu'minu aslan. Que les hypocrites ne croient pas dès le début. Aslan. Al-munafiq, ce n'est pas quelqu'un qui est rentré dans l'islam, qui en est ressorti. C'est quelqu'un qui n'est même pas rentré dans l'islam. لكن يظهر الإسلام ويباطن الكفر. Mais il montre l'islam, mais il cache la mécréance dans son cœur. طيب. Et parmi les munafiqin, il y avait les Yahoun min Bani Israël, et minhum l'Arab. Il y avait aussi bien parmi les Yahoud, comme il y avait aussi des Arabes. Des Arabes qui ne voulaient pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont voulu, pour préserver, qui avaient peur pour préserver leur sang et leurs biens, qui sont devenus des hypocrites. Tayyib. والبرق في هذه الآية نور الإسلام. C'est la lumière de l'islam qu'Allah Jalla wa Ala a quand même fait parvenir auprès d'eux, mais qu'ils ont refusé. ولهذا تركهم. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala les a abandonnés. طيب. وإذا قال قائلون كيف إنه دخل الإيمان في قلوبهم يرحمك الله على المنافقين كيف أنه دخل الإيمان في قلوبهم. Comment la foi aurait pu rentrer dans le cœur d'un hypocrite. قال الله جل وعلا نقول نعم. Nous disons oui. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا. Parce qu'ils ont cru. Ici Allah عز وجل في سورة المنافقون au verset 3 الله عز وجل a mentionné ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله عز وجل a mentionné quoi? ذلك بأنهم آمنوا. Ils ont cru. ثم كفروا. Puis ils ont mécru. Et donc leur cœur a été scellé. وهم لا يفقهون. الفقه في الدين. Dans ce cas-là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Tayyib. Donc ici, on a bien la preuve que, premièrement, awwalan, annahum amanu awwalan, thumma kafaru thaniyan. Premièrement, ils ont cru. Elle est là, la preuve. Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru. Et que, deuxièmement, ils ont mécru. Pourquoi? Parce que là, cette fois, Allah Jalla wa'ala l'a fait quand même, elle aurait parvenu quand même. Allah Azza wa Jal, on a dit la cause, ils l'ont faite. La cause qu'ils ont faite pour qu'Allah les abandonne, c'est ça. Donc Allah Jalla wa'ala a fait parvenir leur foi, la foi à leur cœur, mais elle n'est pas restée. فَإِنَّ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبِ دُخُولًا حَقِقِيًّا فَإِنَّهُ لَنْ يَخْرُجْ مِنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Parce que la foi, lorsqu'elle rentre dans le cœur, elle pénètre dans le cœur, mais véritablement, haqiqiyan, véritablement le cœur, فَإِنَّهُ لَنْ يَخْرُجْ مِنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ. Elle ne sort plus de ce cœur. Seulement si elle a effleuré le cœur seulement, sans y rentrer, alors elle rentre et elle ressort. Parce qu'elle n'a fait qu'effleurer ce cœur. La vérité est parvenue, mais elle n'a fait qu'effleurer le cœur et la personne l'a rejeté. Alors que si la foi, elle rentre véritablement dans le cœur, véritablement, bi'idhnillahi ta'ala, elle ne ressort plus jamais. Tayyib. Min al-fawa'id. قال الله جل وعلا والله محيط بالكافرين. الله عز وجل entoure de toutes parts les mécréants. Ça c'est la preuve qu'Allah جل وعلا rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Allah سبحانه وتعالى. ومن الفوائد. On a ici la preuve que l'éclair, lorsqu'il y a un éclair et qu'il disparaît, comme on a dit, cette lumière, quand tu es dans les ténèbres et on t'allume une lumière et tout de suite on l'éteint, tu ne vois plus rien, mais ces ténèbres sont encore plus fortes que si on n'avait pas allumé. Lorsque c'est éteint, tu vois un petit peu, mais si on allume une lumière, on éteint, tout de suite après, tu vois encore moins. Ça, c'est la preuve que cela est réel puisqu'Allah Jalla wa'ala l'a mentionné ici dans le Coran lorsqu'il a montré cet éclair, lorsqu'il a parlé de l'éclair qui vient puis qui repart, et là il ne bouge plus et ils sont encore dans des ténèbres encore plus profondes. Taïb. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit, puis cette lumière, quand elle repart, il reste comme ça, il ne bouge plus. Ça, c'est le dalil que l'insan, l'homme, lorsqu'il sent quelque chose qui va lui porter atteinte, il stoppe, il s'arrête. Il s'arrête devant un danger. Ça, c'est la nature de l'homme. Lorsqu'il y a un danger qui arrive, il sent un danger, il stoppe et il s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'ici, Al-Munafiqun l'ont fait. Lorsqu'il y a cet éclair, il disparaît, plus le bruit du tonnerre, et ils sont dans des ténèbres, alors ils ont peur, ils sentent un danger. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Qamou ! C'est-à-dire, ils stoppent. Donc ça, c'est la preuve que c'est la nature de l'être humain de s'arrêter devant un danger. وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِثْبَاتُ مَشْيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Ici, on a la preuve qu'Allah Azza wa Jal veut la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puisqu'Allah Azza wa Jal a mentionné وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَشْيَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Ici, on a la volonté d'Allah. On a bien la preuve qu'Allah Azza wa Jal veut et qu'Allah Azza wa Jal a comme sifat al-mashiyah, c'est-à-dire la volonté. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أن من أسماء الله جل وعلا أنه قدير على كل شيء والقدير سبحانه وتعالى. Ici on a la preuve que Allah عز وجل comme nom القدير. لماذا؟ لأن قال الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير. إثبات اسم الله جل وعلا اسم الله جل وعلا. Donc on a ici là le fait que Allah عز وجل a bien ce nom. ومن الفوائد عموم قدرة الله جل وعلا على كل شيء. La preuve qu'Allah عز وجل accepte ce qu'Allah عز وجل est capable de faire. Allah عز وجل est capable de toute chose. على كل شيء. Cette capacité qu'Allah جل وعلا a de faire ce qu'il veut, elle englobe toute chose. Elle englobe toute chose. Elle n'a aucune limite. Allah سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء. Allah Jalla wa'ala n'est pas limité. Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Taïe. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.